Chapitre 62e, dit Colossa les frousses. Enlevez-lui le baillon, dit le maître. Promptement, les hommes obéirent. Alors on put voir que le japonais souriait. Quand nous vous avons cru notre ami, lui dit Will Wilson, notre associé, nous avons parlé devant vous de choses que nul autre que nous ne doit connaître. Or maintenant, vous n'êtes plus avec nous. Vous allez nous jurer, nous donner votre parole d'honneur, que vous oublierez tout ce que vous savez, que vous ne le révélerez à personne. Sans quoi ? Demanda une voix bien assurée, tranquille, le japonais. Si je ne vous donne pas ma parole, que ferez-vous ? Cela nous regarde, mais nous vous forcerons à garder le silence. Avez-vous par là déjà prête la presse à gravure ? Avez-vous le cordeau soufré pour les pouces ? Avez-vous la bombe de cristal ? Avez-vous le ballon d'éther ? Avez-vous la seringue de Prava pleine de poison ? Il y a d'autres moyens encore que vous ne connaissez pas. J'aime les inventions nouvelles. Jurez de garder le silence. Non ! Will Wilson eut un frémissement de colère. « Vous allez jurer !» reprit-il. Mais le japonais, sur le même ton calme, l'interrompit. « Pardon » fit-il. « En ce moment, vous déplacez les rôles. Vous êtes peut-être le maître pour ces gens, mais vous étiez mon serviteur. Ce qui veut dire que je vous employais, que je me servais de vous, que je payais vos services. Si quelqu'un de nous deux doit commander ici, c'est moi. Je n'ai par conséquent pas d'ordre à recevoir de vous et surtout pas à me soucier de vos menaces. Votre vie est dans mes mains, encore une fois, le silence ou la mort épouvantable. » Le baron Osaka eut alors un geste d'impatience. « Assez !» dit-il hautement. « Vous oubliez encore une fois à qui vous parlez et ce que vous êtes. Je suis le général baron Osaka. Vous n'êtes qu'un bandit, Ziegemar peut-être, mais un bandit. Allons, faites votre métier de chenapan, moi je ferai mon devoir de soldat. » Les yeux de Will Wilson lancèrent leurs éclairs verdâtres, eurent leur lueur des yeux de fauve. Sa mâchoire s'avança comme pour mordre, sa bouche se crispa. « Soit, » dit-il. Il se leva, et dans sa main brillait la lame d'un poignard. Comme il allait quitter la table derrière laquelle il se tenait, comme il la tournait, sur le registre du poste électrique qui se trouvait sur cette table, divers coups frappés sur une plaquette de bois sonore se firent entendre à intervalles plus ou moins longs. Aussitôt, Will Wilson s'arrêta, il écouta, et vivement revint prendre sa place à la table. « Alerte !» dirent en même temps plusieurs des auditeurs ayant reconnu les signaux. Parmi ceux qui comprenaient se trouvait le premier des détectives britanniques, McCrellion, l'Australien, alias McBinkerton, le banquier James Benamol et le baron Osaka. Lui, souriant, disait avec les autres « Alarme, alarme !» Otto Friedenstrass ne comprenait pas au son la signification du message en alphabet morse, mais il entendait fort bien ce que l'on disait à mi-voix autour de lui. Et à l'air anxieux des initiés, au front plissé du maître, que l'on courait en ce moment un péril. De nouveau, la batterie retentit, et encore à mi-voix, pour les non-initiés, ceux qui comprenaient lurent ceci « Sauvez-vous, police dans maison !»« La police ?» s'écria Otto Friedenstrass. « La police ?» Déjà, il avait mis son chapeau et regardait la porte. La batterie résonna encore. « Partez, urgence !» À haute voix maintenant, tous, malgré eux, éplèrent ce nom que transmettait le télégraphe « Paulin Broquet !» Otto Friedenstrass, à ce nom, crut qu'on lui coupait les jambes. Il chancela et faillit s'écrouler sur un fauteuil. Mais Will Wilson dit alors « Sauvez-vous !» Ce fut une débandade générale. Will Wilson, cependant, s'avança vers le baron Osaka qui riait maintenant en voyant cet affolement. « Quant à vous, » dit-il, « voilà pour vous forcer au silence. » Il leva son poignard, l'abaissa. Ce fut un cri du colossal Otto Friedenstrass qui répondit à son coup. Dans un mouvement de réaction, après avoir failli s'écrouler de peur, Otto Friedenstrass sentit la panique lui faire pousser des ailes. Il bondit, se précipita. « Paulin Broquet !» s'écria Otto Friedenstrass. Il bondit comme un fou, droit devant lui, vers la porte. Au milieu du salon se tenait, railleur, le japonais. Otto n'eut aucun souci de cet obstacle infime à côté de lui. Il se jeta dessus, le bousculant. Mais il arriva juste au moment où, de son côté, Will Wilson, ayant tourné son bureau, se précipitait et donnait un coup de poignard au japonais. Le baron Osaka, sous la poussée du pesant allemand, s'écroula à terre. Et ce fut dans l'échine colossale d'Otto Friedenstrass que la lame du poignard alla se perdre. Ce fut une aiguille de plus dans la couche adipeuse pour exciter Otto Friedenstrass dans sa fuite. Il ne s'arrêta pas, et ayant poussé un hurlement de douleur, il emporta le poignard, comme un taureau la banderie, un éléphant une sagaie, et il se précipita, telle une trombe, vers la porte. À ce moment, le petit groom frisé y atteignit également. la jolie comtesse Varsovia, le cycliste brun, à qui tout à l'heure il faisait les yeux doux. Mais dans sa panique, il se soucia peu de s'effacer devant une femme, même en mignon travesti de groom, et il écrasa à demi contre la porte la comtesse cycliste. Puis, Otto Friedenstrass disparut dans sa colossale frayeur.